encore. La voilà, quand on prend des petits de délivrance, on a de la chance dans notre impuissance. Il faut faire la morale, ça fait du pastoral à l'étranger, montrer qu'on n'est pas divisé. Et un peuple qui s'est mis une population qui se complique, on dit bon, imaginez la trompe, on s'en fie à ses fions. Bande de corps. La voilà, tout au fond, pays de désœuvrance, on a de la chance dans notre impuissance. Moi de mai arrivé, le but est vous vendez, vous avez oublié ce que ça signifie. Le 14 juillet, mon archi, je vais vous les admirer, on vous donne le rocher, vive la révolution. Bande de corps. La voilà, votre France, pays de délivrance, on a de la chance dans notre impuissance. C'est la meilleure nation, celle de Napoléon, le pays de l'honneur, pour ne pas dire fureur. Et pour un moindre mal, le métier général qui va nous diriger, c'est un tour de respect. Je nie leur bastion, porte de corps. La voilà, votre France. De délivrance, on en a de la chance dans notre impuissance.